faut ouvrir sang. Non, non, je te jure, j'étais tout seul sur ça, il n'y avait personne. Et j'ai dit, bon, là, il n'y a personne, je vais faire chier personne. Je voulais faire ce petit morceau. Et ça se fait en. Normalement, 24, ça doit passer. Juste le refrain, hein, mais bon, après. C'est pas moi qui a écrit ça. C'est Jennifer. Alors, voyons si ça passe en 24. Avec un capot, je fais. Ah non, c'est pas ça. Il a raison, le mec. Ouais, c'est pas ça. Ben, j'essaye de compter en même temps que je joue. Je vais te jouer en 1. Ah ouais, mais c'est le coupé, c'est pas pareil. En coupé, c'est 24. C'est 24 plus 32. Bah, elle devait déprimer, je pense, quand elle a écrit ça, Jennifer. Ouais, 24. Normalement, ça passe. Bah, t'écouteras si tu veux. Attends. Faut que je te file. Tu as pas entendu ça à la radio ? Bon, après, je m'en fous un peu des paroles. C'est le lyrique de guitare que j'aime bien. Attends, je vais essayer de te le trouver. Voilà. Si tu veux l'écouter. Voilà, c'est ça. Non, ah ben. Bon, trop tard, t'es mis le lien. Mais bon. Bon.